Que les trains et chacun sans raison, tu croiseras aussi la trahison, tu entendras les paroles à foison, et parfois même jusqu'à la déraison, tu verras la bassesse et l'impudeur, tu connaîtras aussi l'agression, et tu verras des micros tendus vers des femmes et des enfants. Puisses-tu vivre, continuer. Puisses-tu aimer, continuer. Thank you. Thank you. Mm-hmm.